Malachie chapitre 2. Or c'est maintenant à vous, sacrificateurs, que s'adresse ce commandement. Si vous n'écoutez point, et que vous ne preniez point à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai sur vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions, et déjà même je les ai maudites, parce que vous ne prenez point cela à cœur. Voici, je m'en vais tenser rudement votre postérité, et je répandrai la fiente de vos victimes sur vos visages, la fiente, dis-je, de vos solennités, et elle vous emportera. Alors vous saurez que je vous avais adressé ce commandement, que mon alliance fût avec Lévi, a dit l'Éternel des armées. Mon alliance de vie et de paix était avec lui, et je les lui ai donnée, afin qu'il me révéra, et il m'a révéré, et a été effrayé de la présence de mon nom. La loi de vérité a été dans sa bouche, et il ne s'est point trouvé de perversité dans ses lèvres, il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il en a détourné plusieurs de l'iniquité. Car les lèvres du sacrificateur gardaient la science, et on recherchait la loi de sa bouche, parce qu'il était le messager de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes retiré de ce chemin-là, vous avez fait broncher plusieurs dans la loi, et vous avez corrompu l'alliance de Lévi, a dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi je vous ai rendu méprisable et abject à tout le peuple, car vous ne tenez point mes chemins, et vous avez égard à l'apparence des personnes en la loi. N'avons-nous pas tous un même Père? Un seul Dieu fort ne nous a-t-il pas créés? Pourquoi donc chacun agit-il perfidement contre son frère, en violant l'alliance de nos pères? Judas a agi perfidement, et on a commis abomination dans Israël et dans Jérusalem, car Judas a profané la sainteté de l'Éternel, qu'il aimait, et s'est marié à la fille d'un dieu étranger. L'Éternel retranchera des tabernacles de Jacob, quiconque aura fait cette chose-là, tant celui qui réveille que celui qui répond, et que celui qui présente l'oblation à l'Éternel des armées. Et voici une autre chose que vous faites, vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de plaintes et de gémissements, tellement que je ne regarde plus à l'oblation, et que je ne prends à gré rien de ce qui vient de vos mains. Et vous dites, pourquoi? C'est parce que l'Éternel est intervenu, comme témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, contre laquelle tu as agi perfidement, et toutefois elle est ta compagne, et la femme qui t'a été accordée. Or il n'en a fait qu'un, et néanmoins il y avait en lui abondance d'esprit. Mais pourquoi n'en a-t-il fait qu'un? C'est parce qu'il cherchait une postérité de Dieu. Gardez-vous donc dans votre esprit, et quant à la femme de ta jeunesse, prenez garde qu'on n'agisse point perfidement avec elle. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit, qu'il est qu'on la renvoie. Mais on couvre la violence sous sa robe, a dit l'Éternel des armées. Gardez-vous donc dans votre esprit, et n'agissez point en perfide. Vous avez travaillé l'Éternel par vos paroles, vous avez dit, en quoi l'avons-nous travaillé? C'est quand vous dites, quiconque fait du mal, plaît à l'Éternel, et il prend plaisir à de tels gens, autrement où est le Dieu du jugement ?